Alors je l'ai invité au restaurant pour me faire pardonner. Le dîner a tourné aux confidences. Une ambiance s'est installée un peu sous. En sortant dans la rue, je l'ai embrassée et elle m'a dit: heureusement que tu ne m'as pas invité à ton anniversaire. Sur les pavés avec ses talons, elle avait du mal à marcher. Alors elle se tenait à moi pour ne pas tomber, jusqu'à ce que je la déséquilibre et la plaque contre un mur pour l'embrasser à nouveau. Sentir le sucre et le café de la fin du dîner, sentir sa respiration et ses mots entrecoupés, puis son silence. Nous nous embrassons en silence. Ses joues un peu froides, claires et très jolies. Nous nous embrassons dans la nuit. Nous nous embrassons dans la nuit.